Tu es mon soleil, éclaire mes jours, mes vies. Tu es mon soleil, tu es l'âme de ma vie. Seulement te parler, je veux.